Chapitre 21 Délivrance. La statue miraculeuse, toute resplendissante, descendit la colline d'un pas égal. On vit le ciel se remplir de chérubins qui repoussaient les nuages, car il y avait eu de l'orage toute la nuit. La lune projeta ses rayons sur la ville en ruine, dans laquelle couraient des ruisseaux de sang. Et à mesure que la bonne mère approchait, le sol ravagé se couvrait de fleurs et d'herbes épaisses. Les buissons se remplissaient d'oiseaux et des arbres touffus plongeaient dans le sol leurs racines. Puis les fossés se comblèrent, les remparts disparurent, les palissades reprirent leur aspect d'autrefois. Sur les murailles, le lierre courut de nouveau, l'iris et la giroflée refleurirent. Et quand la mère immaculée posa le pied dans la ville, les ruisseaux sanglants se tarirent, les habitations profanées, chères nids pleins d'honnêtes souvenirs, se garnirent des meubles d'autrefois. Ceux qui étaient demeurés fidèles à leur religion se trouvèrent tous réunis autour du foyer de famille, fussent-ils morts depuis les premières heures de la persécution. Les rues, déblayées, reprirent leur aspect souriant et paisible. Les chevaux hennirent de nouveau à l'écurie, près des hangars bourrés de fourrage, sous la garde des chiens. Et le marteau battit l'enclume de plus belle, et les battoirs battirent le linge au bord de la rivière, et les enfants reprirent leurs rondes interrompues sous l'œil des mères rassurées. Dans la cathédrale, les grands chandeliers étincelants, les ornements sacrés reprirent leur place, et dans le chœur, les anges remplacèrent les enfants, tandis que le prince-évêque François de Waldeck officiait. On n'a plus jamais vu de siège aussi heureusement terminé. À l'aube, la statue bénit une dernière fois la ville et disparut comme une vapeur. La foule, agenouillée, repentante, recueillie, assistait à ce miracle. Seuls quatre hommes chargés de liens blasphémaient. Ces malheureux qui avaient gouverné la ville au temps lugubre étaient Jean Bokelzon, l'ex-roi prophète, et ses complices Knipperdoling, Krechting et Kerkering. Ces vilaines gens avaient vraiment de vilains noms. Le 13 juillet, on prononça des prières solennelles, et le chapitre métropolitain fonda, et ce à perpétuité, un service d'action de grâce qui prit date du 25 juin. Je voudrais vous dire ce que devint Hänsel Eck, mais l'histoire ne parle pas de sa fin. Tout porte à croire qu'il a suivi sa divine protectrice, Mère de Dieu, que je supplie de vous avoir en sa sainte garde.